De la matrice, réveillez-vous. Cassez vos postes de télévision. C'est un ordre. Vous êtes des moutons. Révolution. Révolution. Sortez de la matrice, réveillez-vous. Cassez vos postes de télévision. C'est un ordre. Vous êtes des moutons. Révolution. Révolution. Pour cela que je bois de la bière à bon marché, pour vous.